Bienvenue dans Autant n'importe l'histoire. Aujourd'hui, le dictateur quand Charlie Chaplin défiait Hitler. La scène tournée en 1940 est mythique. Adenoïde Hinkle, le dictateur de la Thomanie, contemple fasciné le globe terrestre qui trône dans son bureau. L'homme à la petite moustache saisit d'une main le globe qui n'est autre qu'un ballon et entame avec son jouet une pantomime extatique, le jetant en l'air d'un coup de main, d'un coup de pied, d'un coup de fesse. Ce monde est à moi, à moi, à moi. Une scène bien sûr du Dictateur, le film réalisé par Charlie Chaplin, où le créateur de Charlot incarne à la fois le dictateur Hinkle et le petit barbier juif du ghetto qui, à la fin du film, se substituera au premier pour délivrer au monde une leçon de démocratie et d'humanité. La scène du ballon et le film en général sont d'autant plus saisissants quand on sait que Chaplin a débuté le scénario en 1938, juste après l'annexion de l'Autriche par Hitler, que le tournage a commencé quelques jours après l'invasion de la Pologne et qu'au moment où le public new-yorkais applaudissait à la première du film, le 15 octobre 40, le dictateur nazi, le vrai cette fois, dominait presque toute l'Europe. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Michel Faucheux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien des idées, l'auteur de livres qui portent notamment sur la relation entre l'homme et la technique, une thématique que n'aurait pas renié, je pense, le créateur des temps modernes. Et c'est sans doute pour cela que vous avez consacré une biographie à Charlie Chaplin, publiée chez Gallimard. Alors dans quelques minutes, je vais raconter comment, dans les années 30, l'idée de ce film a germé dans la tête de Chaplin et comment, contre vent et marée, il y en a eu des vents et marées, il l'a réalisé. Alors dans sa longue carrière, on estime qu'il a tourné environ 80 films. Quelle place occupe le dictateur dans cette filmographie ? Je dirais que selon moi, la place du dictateur est une place centrale. Centrale d'une part parce que c'est la première fois que Chaplin va réaliser un film parlant. Et on sait les résistances qui ont été les siennes alors que le parlant se développait et qu'il a continué à faire un film essentiellement muet comme « Les temps modernes » par exemple. Mais en outre, parce que c'est un film qui acquiert une dimension politique, je dirais, dont l'importance, dont les faits sont mondiaux. En définitive, dans ce film, Chaplin, du côté qui est le sien, du point de vue du comique qui est le sien, défi, avec une prescience qui était loin d'être partagée par les politiques de son époque, défi donc un dictateur sanglant, sanguinaire, qui est Hitler. Il y a une sorte d'affrontement mondial entre le comique et la pire des tragédies, et le bien et le mal qui est au cœur d'un film comme Le Dictateur. Et en cela, je pense que ce bouleversement dans l'esthétique de Chaplin que représente Le Dictateur fait que, selon moi, c'est un film essentiel et central dans sa production cinématographique. Alors dans les années 1930, quand va débuter notre histoire, Charlie Chaplin vit aux États-Unis, c'est un homme riche, il est mondialement connu, mais ce n'a pas toujours été le cas. L'histoire de Chaplin tient un peu du roman de Dickens et de la success story à l'américaine. Bien sûr, ce qui nourrit les films de Chaplin, le comique de Chaplin, c'est précisément la biographie de celui-ci. Et en particulier, l'enfance miséreuse qui a été la sienne dans le Londres de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ouais. Il est anglais, bien sûr, d'origine. Sa mère souvent absente, parce que dans un asile d'aliénés. Il est livré à lui-même, souvent soutenu par son demi-frère. Et puis, il s'emploie à des petits boulots. Et c'est cette expérience-là de la misère, de la survie au quotidien que bien sûr on retrouve dans les films qui mettent en scène ce Tramp, c'est-à-dire Charlot en français, et aussi des films plus importants comme Les temps modernes, etc. Bref, les films de Chaplin, le comique de Chaplin, s'ancre, se nourrit d'une réalité miséreuse vécue, ce qui, à mon avis, détermine ses positions politiques humanistes et aussi la vérité, la sincérité, la force de ses positions. Il est arrivé aux États-Unis à quel moment ? Bah, il arrive aux États-Unis à la faveur du fait qu'il a été engagé par la troupe Carnot, qui fait une tournée, enfin deux tournées d'ailleurs, aux États-Unis. Il est remarqué par Max Sennett, qui va l'engager. Et c'est ainsi qu'en 1914, il va débuter ses premiers films, alors qu'il ne connaît rien au cinéma. Et que très rapidement, dès le début de 1914, le personnage du Trump va naître. Et donc c'est un talent de comédien et il a aussi un talent commercial, ce qui va avoir une importance aussi dans la production du film Le Dictateur. Oui, bien sûr, parce que il va devenir producteur, il va financer, etc. Ce qui va lui assurer une liberté. Voilà. Donc je pense que oui, Chaplin, pourrait-on dire, à tous les talents. Merci Michel Faucheux. On poursuit cette discussion dans une trentaine de minutes, si vous voulez bien. Tout de suite, Le Dictateur, quand Charlie Chaplin défiait Hitler. Un texte de Clara Saher et Zoé Guébillet, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Juliette Eman. Quel froid! Demain matin, nous franchirons l'équateur. J'ai du mal à y croire. C'est bon, cette brume marine. J'aimerais qu'elle me donne l'énergie d'affronter à nouveau le tumulte du monde. De l'énergie. Je vais en avoir besoin. Depuis qu'Hollywood est passé au parlant, je ne me sens plus dans le coup. Ces techniciens du son ressemblent à des martiens avec leurs casques sur les oreilles. Et leur microphone qui pendouille au-dessus des acteurs comme des cannes à pêche. Oh. Tout ça ne me donne pas vraiment envie de reprendre du service. Et si je dois passer au parlant, j'aurais intérêt à avoir quelque chose de sacrément intéressant à dire. Et faire parler Charlot ? Non. Ce serait signer son arrêt de mort. Il perdrait sa personnalité. Deviendrai un acteur comme les autres. Et puis, je déteste ma voix. J'ai froid. Ah, les lumières de la Terre au loin. Un vrai décor de cinéma. À force d'être en mer, on oublie ce qui se passe sur Terre. La guerre, de nouveau d'actualité. Qu'est-ce qu'Hitler nous prépare ? Si j'avais reçu en casting celui-là, j'aurais pu l'engager pour ses talents de pantomime. Il aurait été parfait. Quoique. 1936. Charlie Chaplin et l'actrice Paulette Goddard, sa compagne, rentrent aux États-Unis après un long voyage en Asie. Ils avaient voulu échapper à l'effervescence qui avait entouré la sortie de son dernier film, Les Temps modernes. Chaplin s'interroge sur son avenir. Depuis 1926, Hollywood cessait à la révolution technologique du parlant. En même temps, le triomphe des temps modernes prouve que le muet peut encore fonctionner. Autre sujet d'inquiétude pour ce Britannique installé depuis 20 ans en Californie, la situation politique du vieux continent, menacée par le nazisme. La nouvelle de l'incendie du Reichstag à Berlin le 28 février 1933 l'avait bouleversé. Dans sa maison de Beverly Hills, Chaplin aime s'entourer de ses proches, parmi lesquels le réalisateur Alexander Korda et Sidney, son demi-frère et homme de confiance. J'en ai plein les pattes. Faisons une pause. Ton frère Sidney m'a dit que tu gambergeais sur différents sujets de films. Tu sais ce que c'est. Alors raconte. Ton voyage en Asie, ces contrées exotiques ne t'ont pas inspiré ? Inutile d'aller sur la Lune pour avoir la sensation d'être sur une autre planète. Le Japon est un pays fascinant. Eh bien, tu l'as ton prochain film ? Charlot chez les geishas. Tu crois pas si bien dire. On a fait quelques essais avec Paulette. Il serait content, ton bonhomme, de voir un peu du pays. par les temps qui courent. Je suis pas certain que ce soit prudent de faire voyager Charlot. Mais de quoi t'as peur ? J'ai pas peur. Je suis réaliste. Le monde est en train de changer. Regarde ce qui se passe en Allemagne. Les nazis persécutent les juifs. Ils veulent arrêter tout le monde. Même les vagabonds et les prostituées. Mon Charlot, tu penses bien, ne sera jamais l'invité d'honneur de cet Hitler. C'est sûr. Mais Charlot et Hitler, t'as remarqué ? C'est amusant. Ils ont deux points en commun. Ce sont les hommes les plus connus du monde et ils ont la même moustache. Mais c'est exactement ce que je disais à Paulette. Ce salopard a pastiché mon postiche. Tu m'avais dit un jour que tu voulais incarner deux personnages à la fois. Mmh. Eh bien, tu n'as qu'à faire rencontrer Charlot et Hitler. Mmh. Charlie, Alex. Ah, Paulette. Alors, les champions, vous avez bien joué ? Alexander a eu une idée. Une idée de film ? Mmh. J'aurai un rôle, j'espère. C'est à l'artiste de voir. Évidemment, tu seras le plus beau personnage. Mais là où j'ai des doutes, c'est sur le rôle principal. Aussi intrigant que dangereux. C'est qui ? Charlie pense à Hitler. Ah, excellent. C'est sûr, si je trouvais le courage de faire un film sur Hitler. Je pourrais jouer sa maîtresse. Tu aurais pour mission secrète de le tuer. Oui, tu aurais le rôle d'une héroïne. Mais si je devais faire ce film, Paulette, tu ne tuerais point. Tu incarnerais l'espoir et la liberté. Tu te rends compte, Charlie ? Tu es le seul cinéaste aujourd'hui à pouvoir réunir autant de spectateurs dans le monde. Pense à l'impact que ce film pourrait avoir. Mais c'est bien ça le problème. Et les risques ? T'as vu le guignol qu'on a en face ? Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de jouer à ça. Durant les mois qui suivent, Paulette Godard tourne dans plusieurs films avec la Paramount, tandis que Charlie Chaplin met sa carrière cinématographique entre parenthèses. Un événement dramatique va remettre d'actualité son projet sur Hitler. Entre les 9 et 10 novembre 1938, la nuit de cristal embrase l'Allemagne. Dans tout le Reich, des synagogues et des commerces tenus par des juifs sont détruits et pillés. Le monde entier assiste au durcissement de la folie antisémite du régime nazi. Prenant la mesure du danger qui pèse sur l'Europe, Chaplin, dans le plus grand secret, s'attelle à la rédaction du scénario d'un film qui devrait s'intituler « Le dictateur ». Mais à Hollywood, le bruit court qu'il travaille à son premier film parlant, un film qui aurait pour thème le nazisme. La rumeur arrive jusqu'aux oreilles de John Edgar Hoover, le directeur tout-puissant du FBI. Convaincu que Chaplin est communiste, il le fait discrètement surveiller. L'ambassade d'Allemagne est en alerte, mais aussi les patrons des studios concurrents qui ne veulent surtout pas perdre le marché allemand à cause d'un film qui ridiculiserait Hitler. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte. Mais il me fait froid dans le dos. Dans ses intonations, on entend toute sa folie. Mais comment peut-on faire confiance à un homme pareil ? Tout chez lui est ridicule. Ses mimiques, sa mèche. Il arrive à galvaniser les foules, ce salopard. J'avoue, la moustache peut séduire. Il paraît que ça plaît aux femmes. Ça ne va pas être simple de retranscrire toute cette haine à l'écran. Depuis des mois que je l'observe aux actualités allemandes, cet homme garde encore beaucoup de mystères. Allez, on recommence. Mouvement sec et tendu. Tendu le bras. Plus haut. Voilà, comme ça. Non, franchement, de quoi j'ai l'air à faire le salut nazi ? Je ressemble à un porte-manteau. Moi, j'ai une idée. Mon petit Hitler, je vais te faire valser avec un globe terrestre dans les mains. C'était excellent. Comme toujours. La tarte au citron meringuée ? Oui, c'est pour nous. Merci. Avec 2 cuillères, parfait. Vous en prendrez bien un petit peu avec moi, chère mademoiselle. Sans façon, mon metteur en scène m'interdit de prendre 1 gramme. Mais c'est un tyran. Oh, Sidney, s'il te plaît. Tu sais bien que j'ai jamais rien interdit à Paulette. Bah, tant pis pour vous. Moi, ce dessert me fait envie. Et j'en ai bien besoin. À écrire comme un forcené, je m'en doute. T'en es où de ton scénario ? Ça avance. Ça avance. Ah, j'espère bien. T'es cloîtré dans ton bureau 12 heures par jour à imiter Hitler. Tu es content du résultat ? sais pas. Une comédie sur Hitler. Certains jours, je me demande si c'est raisonnable de vouloir faire rire sur un sujet aussi grave. Tu sais, les bruits les plus fous commencent à courir en ville. Une satire sur le nazisme, ça fait jaser. Mais le plus inquiétant, Sidney, ce sont les lettres de menace que Charlie reçoit. Ça ne m'étonne pas. Tout joue contre toi, Charlie. D'abord, tu refuses de prendre la nationalité américaine. Ensuite, tu mets en scène ton Charlot pour te moquer du système. Et tu ne fais pas de gentils films à la gloire de l'American Dream. Et maintenant, tu t'en prends à Hitler. Tu devrais peut-être faire attention. Et tu es un homme à femme. Un péché aux États-Unis. Oui, mais le paradoxe, c'est que c'est ce pays qui t'a fait roi. Aujourd'hui, le roi est devenu un ennemi d'État. Il n'y a pas que l'oncle Sam qui en a après moi. Comble du comble, la United Artists que j'ai moi-même créée me dissuade de tourner. Mais ce scénario dans un tiroir, pourquoi t'embarquer dans une telle galère? T'as pas besoin d'argent, t'as pas tout perdu dans le krach boursier comme les autres. Tu veux mon avis? Lève le pied. Couteau crevé. Et si c'est pas moi, qui le fera ce film? Qui en aura le courage? Tu le connais, Sidney. Charlie n'en fera qu'à sa tête. Je sais. Alors, c'est pour quand le tournage? J'ai pas terminé l'écriture. Je veux que ce film soit parfait. Depuis des semaines, je me réveille la nuit avec la peur au ventre. Et s'il était déjà trop tard? Vous les entendez, ces nazis, avec leur blabla sur la race aryenne? Je ne peux pas me permettre d'écrire n'importe quoi. Chaque réplique Attends, doit être... regarde, il y a des fans qui s'agglutinent devant la voiture. Il est temps d'y aller avant que ça tourne à l'émeute. Je vais payer. Merci. Je ne supporte plus ces endroits. Regarde, il y a toutes les vedettes de la profession. Et ces gamines qui font le tour des tables pour avoir des autographes. Arrête, tu adores ça. Le chauffeur, il a retrouvé la voiture avec un pneu crevé. Encore? Mais c'est la deuxième fois en une semaine. Je parie qu'on va trouver un mot coincé sous les essuie-glaces. Bâtard de communiste. Ou bolchevique à moustache, comme l'autre fois. Aujourd'hui, tu as le droit à « rentre dans ton pays, sale coco ». Décidément, ces corbeaux manquent d'imagination. Quelle médiocrité. On y va? Oui, oui. We interrupt this broadcast to bring you a special news bulletin. Moscow, Germany and Russia today signed a non-aggression pact. À l'été 1939, Charlie Chaplin met la touche finale aux 300 pages du scénario du dictateur. En Europe, la guerre semble imminente. Le 23 août, Staline et Hitler signent le pacte germano-soviétique. Le monde entier a désormais les yeux rivés sur la Pologne, qui peut être envahie d'un instant à l'autre par l'Allemagne et l'URSS. La Russie a signé avec l'Allemagne un pacte. À Hollywood, Chaplin ne perd pas une miette des événements. Au cours de sa vie, il a rencontré de nombreuses personnalités politiques, comme Gandhi ou le roi Albert de Belgique. Mais il y a un homme d'État avec lequel il entretient une amitié toute particulière, son compatriote Winston Churchill. Le député conservateur n'occupe à ce moment aucun poste ministériel, mais personne n'ignore ses appels à un réarmement face à Hitler. Chaplin et lui partagent la passion de la politique et de la littérature. En ce mois d'août 1939, les deux amis font une longue promenade au bord du Pacifique. J'ai bien cru que vous ne vous arrêteriez jamais. Pardonnez-moi, mon cher. En vous attendant, je faisais les 100 pas et je me suis perdu dans mes pensées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout ce soleil, ces plages dorées et ces jolies jeunes gens ne font pas bon ménage avec notre caractère britannique. Ça manque de pubs obscurs, de houblons, le tout arrosé d'un bon crachin. La Californie me déprime. Comment faites-vous pour vivre ici à temps plein, Chaplin? Que voulez-vous? Si on veut faire du cinéma, on a plus de chances d'y arriver à Los Angeles qu'à Manchester. On croirait entendre Hitchcock. Le bocage anglais vaut bien tous les palmiers de South Beach, selon moi. Mais si notre glorieuse île vous manque tellement, que faites-vous ici? Je ne suis pas là de mon plein gré, voyez-vous. J'ai été, comme qui dirait, contraint. Dois-je comprendre que notre chère Clémentine a eu raison de vos réticences? Ma femme s'est mise en tête de m'organiser ce voyage au bord du Pacifique pour que je me refasse une santé. Selon elle, je devrais moins boire et maigrir un peu. Bah quoi bon, ou de demande. Enfin, ce que femme veut. Clémentine a toujours su ce qui était bon pour vous. Et puis, il me semble que l'Angleterre va avoir besoin d'un homme comme vous très bientôt. Qui d'autre pour faire face à Hitler ? Chamberlain ? Il est totalement à côté de la plaque. Il se fourre le doigt dans l'œil s'il croit encore que les accords de Munich vont être respectés. Non, Chaplin, vous connaissez mon âge, je suis vieux. Et notre pays a besoin de nouveaux dirigeants. George VI est un monarque totalement inexpérimenté. Il aura besoin de vous à ses côtés. Méfiez-vous des apparences. L'histoire a su révéler des personnalités fort insipides. Et quand bien même je souhaiterais revenir aux affaires. On dit que si Chamberlain devait être remplacé, Sa Majesté aimerait que Lord Halifax devienne Premier ministre. Ah bah cela tombe bien, l'Angleterre n'est plus une monarchie absolue. C'est donc les électeurs qui décideront. Et je suis certain que c'est vous qu'ils choisiront pour les défendre contre Hitler. Cet homme est fou furieux. J'en suis sûr, il va mettre l'Europe à feu et à sang. L'Autriche et la Tchécoslovaquie, ça ne lui suffira pas. La Pologne est la prochaine sur la liste. C'est une question de jours. Peut-être d'heures. Et là, ce sera la guerre, Chaplin. Vous le savez, nous le savons tous. Et pourtant, nous marchons au bord de l'océan comme si de rien n'était. Alors que le monde s'apprête à basculer encore une fois. Comment a-t-on pu en arriver là ? Il y a des combats qui sont perdus d'avance et d'autres pas. En parlant de combats, on m'a soufflé que vous comptiez apporter votre part au vaste chantier de résistance qui nous attend. Vous préparez un film dans lequel vous allez vous payer Adolphe ? Mon projet, on dirait, est devenu le secret le plus mal gardé du monde. Si on en parle jusqu'à Chartwell... Bon, il m'arrive de quitter mon modeste cottage, Chaplin. C'est un sujet brûlant. Vous devez être prudent. Pour ne rien vous cacher, on fait tout pour me décourager. Cet old chap de Hoover, j'imagine, passe ses soirées à vous chercher des poux. Quelle tristesse. Il ferait mieux de lire un bon livre, il y en a tant, en sirotant un bourbon. Toutes les fiches de renseignement du monde, même les plus croustillantes, ne valent pas un roman d'Émilie Brontë. C'est vrai. On dirait que je suis devenu la bête noire du FBI. C'est fou. Je ne suis qu'un cinéaste, pourtant. Vous êtes la plus grande star du monde. Et les autorités américaines, mais aussi allemandes, savent que le public vous aime. Quoi que vous ayez à dire, vous serez écouté. C'est pour cela qu'ils ont peur de vous et de votre film. Mais c'est d'Hitler dont ils devraient avoir peur. Que compte-t-il faire ? Vider l'Europe de ses juifs ? Annexer tout le continent pour son troisième Reich de pacotille ? Oui. À mon avis, c'est à peu près le programme qu'il nous concocte. Vous devez faire ce film, Chaplin. Les gens ont besoin qu'on leur ouvre les yeux. Et une fois qu'ils auront les yeux ouverts ? Ah, là, ce sera au chef de guerre d'entrer en scène. Vous serez au casting ? L'avenir le dira. Mais je peux vous faire une promesse. Si je devais prendre mes quartiers au 10 Downing Street, j'organiserai une grande première à Londres pour votre film. Sous les bombes allemandes, s'il le faut. Le 1er septembre 1939, les troupes d'Hitler envahissent la Pologne et contraignent ainsi l'Angleterre et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne le surlendemain. Moins d'une semaine après, à Hollywood, Charlie Chaplin entame le tournage du Dictateur. Il produit, réalise et tient les deux premiers rôles du film. Il est à la fois Charlot, comme toujours, mais qui prend ici l'identité d'un barbier juif blessé pendant la Première Guerre mondiale et devenu amnésique, et adénoïde Hinkel, le tyran d'un pays imaginaire nommé la Thomanie, qui persécute les Juifs. Les deux personnages, se ressemblant comme deux gouttes d'eau, on confond bientôt le barbier et le dictateur. Paulette Goddard, quant à elle, est Anna, une jeune fille juive, elle aussi persécutée. Jack Hawkey, lui, interprète Benzino Napoleoni, une caricature de Mussolini. En jouant des similitudes physiques entre Hitler et son personnage de Charlot, Chaplin entend ridiculiser le régime nazi pour mieux en dénoncer la dangerosité. Le film est réalisé dans son studio de Sunset Boulevard où les décors ont été installés. Avant même le premier tour de Manivelle, Chaplin a déjà dépensé 500 000 dollars. Ce film est un pari risqué pour lui comme pour son studio. Passato. Sauve-toi un blamage. Hé, coupé. Coupé, coupé. Dan, qu'est-ce que c'est que ce pantalon? Pourquoi tous les pantalons des miliciens sont rouges, sauf celui de ce figurant? Tous doivent être rouges. Et il y en a un noir, vous me prenez pour un idiot. Mais bien sûr que non, monsieur Chaplin. Vous pensiez que j'allais pas m'en apercevoir? Appelez la costumière. Faites-en faire un de plus, teignez-le, peignez-le en rouge s'il le faut, mais je veux que tous les pantalons soient rouges. J'avais demandé une moquette violette pour la descente du train et des pantalons rouges pour les miliciens. C'est pourtant clair et simple. C'est bon, rien de grave, pas de blessé. Seulement le panneau du train qui s'est affaissé. Problème de fixation de la feuille du décor. Et maintenant le train. Appelez-moi quand le décor sera remis sur pied. Et le pantalon rouge. Rouge, Dan, le pantalon. On fixe à nouveau le décor et évidemment rouge, le pantalon. Nous faisons au mieux, monsieur Chaplin. Sidney, accompagne-moi dans ma loge. Je te connais, colérique, mais là, qu'est-ce que t'en as à foutre que ce futal soit rouge ou noir? Tu tournes en noir et blanc. Et toi, tu tournes avec quoi quand tu passes sur le plateau faire des images du tournage? Avec de la pellicule couleur. Eh ben voilà pourquoi j'exige l'uniformité de mes costumes. On ne sait pas ce que deviendra demain ce que tu filmes aujourd'hui. Alors un pantalon noir parmi tous ces pantalons rouges, ça fait tâche. T'as raison, en plus de ton talent, on soulignera ton côté perfectionniste. En revanche, ne me mens pas. Il n'y a pas que cette histoire de pantalon pour t'énerver comme ça. Regarde. Regarde ce que j'ai encore de recevoir ce matin. Une énième lettre de menace. Et dans celle-là, on ne se contente pas de me traiter de communiste. Ils veulent tout faire pour saboter le film et que j'abandonne. J'en viens à me demander si l'incident technique du train, c'est pas eux. Je sais qu'ils observent tous mes faits et gestes. C'est sûr. Avec 400 figurants sur le plateau, c'est pas compliqué de planquer un espion. Malheureux. S'il cherchait des conversations secrètes avec les Russes, il a dû être déçu. Ici, on ne fait que du cinéma. En attendant, avec tous ces problèmes, je vais devoir modifier mon plan de travail si on prend trop de retard. Il aurait été tout de même plus simple de tourner dans un vrai train. T'as le don de te compliquer la vie. Non. Non, le vrai train, c'est beaucoup trop réaliste. Je ne peux pas représenter une pâle copie de la réalité quand tu sais ce qui est en train de se passer en Europe. Ce que je m'échine à faire avec ce film, c'est montrer le ridicule du régime nazi. Voilà pourquoi je tourne dans des décors en carton-pâte. Je veux faire du mauvais théâtre. Je ne vais pas en plus dérouler le tapis rouge pour mettre en scène Hitler. En revanche, je dois dire, les imitations des statues faisant le salut hitlérien, c'est très réussi, j'adore l'idée. Mets-les aux enchères après le tournage, je suis sûr, elles se vendront une petite fortune. Moi, Sidney, toujours soucieux du coût du film. Charlie, c'est aussi pour toi que je me fais du souci. T'es un vrai couteau suisse, tu fais tout, de la production à la composition de la musique, tu joues deux rôles. Ménage-toi un peu. Oui. Monsieur Chaplin, je vous prie de m'excuser pour vous avertir. Le décor est fixé et le pantalon noir a bien été remplacé par un pantalon rouge. L'agent de Mademoiselle Godard m'a confirmé qu'elle venait d'arriver. Elle se prépare dans sa loge. Merci, Dan. Prévenez l'agent de Mademoiselle Godard que je passe la saluer. Bien, Monsieur Chaplin. Je constate que vos rapports ne sont pas arrangés. Rien de caché. Bon, je vous laisse, je retourne sur le plateau. Alors, el maestro s'est détendu? Tu sais à quel point j'admire Charlie et son travail, mais sur ce film, il est particulièrement nerveux. L'équipe dit qu'il a encore fait des siennes pour une couleur de pantalon. Et pas seulement, le décor du train était mal fixé. Je lui avais conseillé de tourner avec un vrai train. Moi aussi, mais tu le feras pas changer d'avis. Charlie m'a dit que c'était pas simple entre vous en ce moment. Allez, pense au film. Leave me. I want to be alone. Le tournage du dictateur s'achève en mars 1940. Le film est une satire burlesque dans laquelle Chaplin ridiculise l'autoritarisme et la mégalomanie d'Hitler et dénonce l'antisémitisme nazi. Le dictateur est ainsi le premier film à s'opposer directement à Hitler et à sa politique. Il délivre aussi un message pacifiste et humaniste, notamment par le biais du monologue de fin du personnage du barbier juif. Cette séquence iconique de l'histoire du cinéma contribuera à accentuer les soupçons de communisme qui pèsent déjà sur Chaplin aux États-Unis. À partir de là, J. Edgar Hoover ne lâchera plus la pression sur lui. Alors qu'en Europe, Hitler est devenu le maître, arrive enfin pour Chaplin le moment tant attendu de montrer son œuvre au public. Le soir de la première a lieu le 15 octobre 1940 à New York. Merci, mademoiselle. Paulette, voilà ta robe. La femme de chambre vient de la livrer, c'est pas trop tôt. Merci, t'as qu'à la poser sur le lit. T'es bientôt prête? Je te rappelle qu'on doit partir dans 20 minutes au plus tard. Les premières new-yorkaises commencent à l'heure. La presse doit être en train de trépigner. Je les vois déjà parqués comme des moutons avec leurs appareils photos. Mais tout se passera bien. On peut pas savoir. Dans les dernières lettres anonymes que j'ai reçues, on menace de jeter des boules puantes pendant la projection. Ou de tirer sur l'écran partout où le film sera diffusé. Rassure-toi, tu as assez d'admirateurs dans ton public pour s'occuper de ces fous. Et si ces menaces sont écrites par des nazis, de toute manière, ils n'oseront pas se montrer au grand jour. Tiens, passe-moi la robe et aide-moi à l'enfiler. Merci. Le scandale n'éclatera pas ce soir. Si tu le dis. À moins que je profite de cette première pour officialiser notre mariage. La presse a toujours été friande de mes relations amoureuses. Ne fais pas ça, Charlie. Et pourquoi pas? Nous en avons déjà parlé. Tu sais que je retourne à Los Angeles. Je l'ai su par ton agent. J'attendais que tu me le dises toi-même. Que tu m'annonces aussi que tu vas tourner un nouveau film pour la Paramount. Je ne pouvais pas refuser. Tu vois, quand on s'est rencontrés, c'était la solitude qui nous liait. J'étais célibataire. Toi, tu arrivais de New York, tu ne connaissais personne. Nous étions deux âmes esselées. Et aujourd'hui, nous sommes mariés, mais désunis. Il n'y a rien de pire que de se sentir seul à deux. Oh, arrête ton cirque, Charlie. Pas à moi, l'homme meurtri. Je te rappelle qu'à cause de toi, l'un des plus beaux rôles du cinéma m'est passé sous le nez. L'un des plus beaux rôles? L'un des plus beaux rôles? Avec tout le respect que j'ai pour mon camarade Fleming et ses collègues, j'aimerais savoir si le rôle d'Anna que j'ai écrit pour toi dans Le Dictateur n'est pas plus beau que celui de cette pin belge de Scarlett O'Hara. Et la gamine dans Les Temps modernes, c'était pas un des plus beaux rôles du cinéma, peut-être? Il n'y a que ton cinéma qui compte. Toi et ton art, et toi et les femmes. Je suis au courant de toutes les rumeurs qui circulent à Hollywood sur ton compte. Et allez, après l'actrice brimée, la femme jalouse. Ah! Va nager parmi les myriades de lucioles attirées par les lumières de Sunset Boulevard. C'est ce que t'aimes, Charlie. Les midinettes qui reniflent les rôles de jeunes premières. Le parfum que je t'ai offert. Calme-toi, Paulette. La moitié de la planète est en guerre et comme des imbéciles, on rajoute à ça notre séparation. Comme si une tragédie suffisait pas. Tu vois, Charlie, je t'ai toujours trouvé irrésistible. Et je pense encore que tu n'es jamais aussi bon que quand ton Charlot joue le romantique. En attendant, Charlot et sa Paulette vont cocoter toute la soirée. Moi qui ne supporte pas de me faire remarquer. On pourra nous suivre à la trace avec tout ce parfum. Désolée, il n'y a pas mieux pour passer ses nerfs que de casser des objets. Je te confirme. Allez, allons-y maintenant. On nous attend. À l'Astor Theater, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Charlie, tu as raison. Officialisons notre mariage ce soir pour mieux fêter notre divorce plus tard. Ces paparazzi adorent qu'on les mène par le bout du nez. Tu es délicieuse, ma Paulette. On dit qu'une femme est toujours plus belle après avoir pleuré. Merci pour tout, Charlie. À tes côtés, j'ai été heureuse et tu sais combien je t'admire. Et tu es le seul acteur que je connaisse à être devenu milliardaire en jouant des rôles de clochard. Nous y voilà. The show must go on. Vous n'êtes pas trop anxieux pour la première? Le Dictateur est un succès critique, mais aussi commercial. Le film restera pendant 15 semaines à l'affiche à New York. Merci. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, presque toute l'Europe est occupée par les armées d'Hitler. Seule l'Angleterre résiste encore. sous les bombes allemandes, dans un Londres meurtri par le Blitz, la prophétie de Churchill, qui est devenu Premier ministre le 10 mai 1940, se réalisera. Le 16 décembre aura lieu la première anglaise du dictateur. En France, il faudra attendre 1945 et la libération pour que le public découvre le film. Le 15 octobre 1940, le soir de la première mondiale, quand les lumières de l'Astor Theater se rallument, le public se lève pour applaudir Charlie Chaplin. On a des frissons. Tous ces applaudissements. C'est comme le trac. On a beau avoir des années d'expérience, ce sentiment est aussi jouissif que vertigineux. Ce n'est pas un succès, c'est un triomphe. Ce soir, ils sont tous là. Les mêmes qui, pas plus tard qu'hier, souhaitaient ma chute. Mais ce n'est pas la vie du bolinge d'Hollywood qui m'intéresse. Ce n'est pas pour eux que j'ai réalisé Le Dictateur. Si seulement ce film pouvait faire bouger les consciences pour aider ceux qui sont persécutés et ceux qui se battent. Je les entends déjà, ceux qui me traiteront d'anti-américain. Mais ma ville, c'est Londres, et en ce moment, elle est à feu et à sang. Si les États-Unis ne lui viennent pas en aide, combien de temps résistera-t-elle? Et Hitler verra-t-il ce film? Qu'en pensera-t-il? Lui qui prétend adorer le cinéma. Finalement, le discours de fin fonctionne plutôt bien. Dire qu'on me conseillait de supprimer ce plan fixe sur mon visage. Cette séquence est audacieuse. Et pourtant, quelle ironie. Ce discours pacifiste quand la guerre n'a jamais été aussi nécessaire. Il y aura encore des millions de morts. Mais ce sera le prix à payer pour que l'Europe retrouve sa liberté. J'aimerais que ce film se démode rapidement. Qu'il soit boudé par les prochaines générations. Parce qu'elles n'auront connu ni Hitler, ni Mussolini, ni la guerre. Je suis désolé. Quant à Paulette, je ne veux pas être empereur. Tu n'es pas mon affaire. Finir un film sur le visage d'un acteur devrait être une règle. Il n'y a pas plus beau paysage que le visage humain. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs, nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Chacun de nous a sa place. Et notre terre est bien assaisie. Elle peut nourrir tous les êtres humains. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass. And dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives. Le dictateur, quand Charlie Chaplin défiait Hitler, de Clara Saer et Zoé Gabillet, avec Charlie Chaplin, Olivier Clavery, Sidney Chaplin, Éric Chalier, Paulette Godard, Delphine Cognard, Dan, Ralph Rousseau, Winston Churchill, Jean-Gabriel Nordman, Alexander Korda, Antoine Doignon et les voix d'Antonin Chalon, Antoine Melchior et Didier Mérigou. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Manuel Couturier et Manon Houssin, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Juliette Eman. Dans quelques minutes, on continue de parler de Charlie Chaplin et du dictateur avec mon invité Michel Faucheux. We'll be right back. extrait de la danse hongroise numéro 5 de Brahms, tiré de la bande originale du film Le Dictateur. Donc nous sommes sur France Inter, autant n'emporte l'histoire, et Juliette Gou a réalisé l'émission, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Stéphane Boja. Michel Faucheux, on a entendu un extrait du discours de fin du film que prononce donc le barbier juif qui a pris la place du dictateur. On l'entend bien, ce discours humaniste, pacifiste un peu, démocratique beaucoup. C'est une profession de foi de Chaplin lui-même, adressé au monde. Oui, je crois que évidemment c'est un discours qui marque dans l'œuvre cinématographique de Chaplin et dans l'histoire du cinéma plus généralement. D'abord parce qu'effectivement il est très long, mais au-delà. Ce qui distinguait jusque-là l'œuvre cinématographique de Chaplin, c'est précisément le muet. Et le personnage emblématique de Chaplin se trompe. Charlot, c'est-à-dire le vagabond. C'est celui qui n'a pas de voix. VOX, muet donc. En cela, l'esthétique du muet renvoie à un personnage qui, parce qu'il n'a pas de voix, au fond n'est pas capable de nommer le monde et par là même est privé de voix, VOIE, c'est-à-dire erre à la surface du monde, est un vagabond qui n'est pas de prise, qui est ballotté par le monde. Oui, c'est l'anti-dictateur qui voilà, s'adresse au public. Absolument. Or, ce discours de 6 minutes, que signifie-t-il? Il signifie que... le personnage joué par le barbier juif, eh bien, retrouve la voix, prend la parole, redonne sens au monde et devient n'est plus un vagabond, mais devient un acteur et un acteur de l'histoire qui s'oppose à la barbarie. En cela, il y a une dimension évidemment esthétique de ce discours, je dirais presque aussi une dimension métaphysique. C'est le personnage du vagabond qui se métamorphose en acteur rebelle de l'histoire, qui, au fond, prend en main l'humanité pour qu'elle s'oppose à la barbarie. En cela, vous savez, il y a toujours un discours, ou plutôt un débat récurrent, qui est se demander à quoi sert l'art. L'art peut-il entraver la barbarie? Eh bien, je dirais que avec le dictateur, avec le discours final du dictateur, Chaplin nous donne une réponse qui est indéniable. Oui, oui, l'art peut s'opposer efficacement, utilement, je dirais presque définitivement, en tout cas après coup, à la barbarie. Ce film, on peut le dire, il est politique, le dictateur, et en même temps, le risque avec les films politiques, c'est qu'ils peuvent aussi ne pas bien vieillir, avoir un côté un peu militant, un peu propagande. Celui-ci, non, il est toujours d'actualité, il se regarde, et comment, c'est quoi justement l'alchimie, le mystère de ce film? Alors évidemment, vous me posez une question difficile, à laquelle je vais essayer de répondre. Je crois que si ce film n'a pas vieilli, c'est parce que, au-delà de sa signification politique qui est forte. Parce que je répète, il y a une prescience de Chaplin de dénoncer la barbarie, qui évidemment ça va s'avérer aussi cruel qu'on l'a... Encore plus cruel que lui pensait d'ailleurs. Qui ne l'imaginait. D'ailleurs lui-même dira que s'il avait su effectivement que le nazisme deviendrait ce qu'il a été, c'est-à-dire auteur d'un génocide industriel qui, au fond, représente la barbarie la plus absolue dans l'histoire, eh bien, sans doute n'aurait-il pas fait ce film. Mais je crois que, par-delà la signification politique, dont je répète qu'elle est forte, parce que Chaplin voit les choses, voit qui est Hitler bien avant des hommes politiques qu'on aurait pu croire avertis, je crois qu'au fond, ce qu'il illustre dans son cinéma, c'est la condition de l'homme moderne, pour paraphraser un titre d'Anna Arendt. C'est-à-dire, au fond, l'homme du XXe siècle, c'est un homme ballotté, errant à la surface du monde. C'est un homme qui n'est pas sans lien avec le personnage de Kafka, le cas, etc. Bref, qui vit dans un univers privé de sens dans lequel il ne se reconnaît pas parce qu'au fond, il agit. Il est agi par des forces autres, qu'il s'agisse de la dictature, qu'il s'agisse d'une autre dictature qui est celle de la machine, etc. Je vous renvoie bien sûr, au temps moderne. Eh bien, si le film n'a pas vieilli, c'est que nulle part il illustre cette condition de l'homme moderne, donc là nous sommes au-delà de l'histoire, mais il illustre aussi la capacité de l'homme moderne à prendre en main son destin. Et au fond, il illustre aussi ce que peut être l'humanisme. Parce que, lors du discours, le visage qui apparaît, c'est évidemment celui du barbier juif, mais par-delà, le visage du barbier juif, c'est celui, pour la première fois, de Chaplin lui-même qui apparaît. Pour la première fois dans sa cinématographie, dans son œuvre cinématographique, Chaplin se dévoile. Il ôte le masque de Charlot et il devient lui-même, il se montre tel qu'il est, avec l'âge qu'il est, et il dit ce qu'il pense sur le monde, il exprime la vérité la plus profonde de lui-même. Et montrant son visage, il exprime l'humanité la plus parfaite. Oui, ce visage est très beau, il a des larmes aux yeux. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que donc il finit son discours, et il y a une espèce de silence, et puis tout à coup, il y a les applaudissements de la foule. Et là, c'est assez étrange, parce qu'on a l'impression que, bon, est-ce que ce public est vraiment d'accord avec lui, ou est-ce que c'est le dernier qui a parlé qui a raison ? Il y a une petite ambiguïté, là. Ou peut-être peut-on se demander si, au fond, ce silence, ce léger silence, n'exprime pas la sidération dans la force d'un discours qui exprime l'humanisme dans sa totalité, dans sa force la plus grande. Au fond, l'humanisme, il se dit à travers une parole aussi forte que celle de Chaplin, hein. On sait que c'est lui-même qui a écrit ce discours, mais il s'exprime aussi à travers le dévoilement du visage. Hein, n'oublions pas l'une des vérités de l'œuvre du philosophe Emmanuel Lévinas, qui, pour résumer ce qu'il nomme l'humanisme de l'autre homme, dit que celui-ci s'exprime à travers la reconnaissance du visage de l'autre, de l'humanité en définitive. C'est ça qu'il exprime. Et le visage aussi de Paulette Godard qui marque la fin du film. Et ce film aussi, il est moderne parce qu'il est extrêmement drôle. On nous parle de choses affreuses, d'un dictateur, mais en même temps, il y a des gags, des trouvailles dans les dialogues qui sont extrêmement drôles toujours aujourd'hui. Par exemple, quand Schulz, l'ami du barbier juif, lui dit « Je croyais que vous étiez à rien » et l'autre répond « Je suis végétarien ». Il y a aussi des passages qui font frémir de vérité. Par exemple, quand l'armée du dictateur envahit l'Österlich, c'est l'Autriche. Bon, là, c'est pas du tout drôle. On voit des miliciens qui obligent des juifs à brosser le trottoir. On frémit aussi quand un militaire propose à Heinkel, le dictateur, une nouvelle invention, un gaz capable de tuer tout le monde. Et évidemment, là, on pense aux chambres à gaz. Tout ça est comme visionnaire de la part de Chaplin. Oui, je pense que la grande force, évidemment, du dictateur, ce n'est pas simplement d'être un film politique, mais aussi de montrer que le comique, la satire, la bouffonnerie permet de dire une vérité encore plus grande que le simple discours politique. Il met en évidence le ridicule, mais le ridicule sanglant, d'un personnage et d'une politique comme Hitler et d'une politique comme celle du nazisme, et on le répète, avant tous les autres. Hein, y a une dimension de prescience qui est assez forte. Je pense qu'il montre que le comique, au fond, et le rire, peut s'opposer au tragique. Voilà. Et il démonte, il ridiculise le personnage de Hitler et sa politique. Et au fond, il met le roi, entre guillemets, hein, le roi tragique, à nu. Et en cela, le film acquiert une force très grande. Il travaille sur le texte, il travaille sur la voix, mais il travaille aussi sur le corps. Oui. Il y a un énorme travail de gestuelle, on l'a entendu. Chaplin observe, regarde les films d'actualité avec Hitler, il essaie de travailler sa gestuelle, et notamment cette pantomime que Hitler aurait lui-même entamée à un moment d'une victoire, peut-être même au moment de l'armistice avec la France. Il esquisse un pas de danse, et ça, ce sont des choses qui fascinent Chaplin. Oui, il ne faut pas oublier que Chaplin, avant de faire la carrière, d'entrer dans la carrière cinématographique, a été formé à l'art de la pantomime. Il sait observer les gestes, le rituel de gestes de chacun de nous, et le mettre en évidence et le ridiculiser. Et au fond, il met cet art consommé de la pantomime, qui est le sien, au service de la dénonciation politique. Et en cela, effectivement, c'est très fort. Je veux dire, par exemple, lorsqu'il montre la dimension mécanisée, robotisée de cette foule qui lève mécaniquement le bras et de manière ridicule, hein, pour saluer Heinkel, bon, bien sûr, on voit là que la pantomime exprime non seulement la vérité mécanique, le rituel mécanique, ridicule, tragique du nazisme, mais aussi, peut-être au-delà, la mécanique de nos attitudes que forgent les temps modernes. Hein, il y a une mécanique de la machine qui est aussi à l'œuvre dans le nazisme, qui est aussi un machinisme, hein, d'ailleurs auteur d'un génocide industriel. Hein. Pensez-vous que Hitler a vu le film, le dictateur, est-ce qu'on le sait ? Ça, c'est la grande question. Selon certains, Hitler l'aurait vu deux fois. Selon d'autres, ce n'est pas le cas. Donc évidemment, c'est indécidable. Il ne devait pas avoir beaucoup de sens de l'humour. On peut imaginer que, oui, Hitler n'avait pas le sens de l'humour, ça, enfin, c'est certain. Mais on peut imaginer quelle leçon cela aurait été de regarder ce miroir qui reflétait le personnage bouffon qu'il peut être aux yeux de l'humanité. Charlie Chaplin a tourné ce film pour sensibiliser le monde au danger du nazisme et particulièrement les États-Unis. On est à l'époque où les États-Unis ne veulent pas s'engager donc dans la guerre. Churchill, en 1940, disons au printemps 40, est seul face à Hitler. L'Europe est donc dominée par Hitler. Est-ce que ce film a pu avoir un rôle justement pour alerter les consciences, l'opinion publique américaine ? Alors, on sait que le film, en tout cas le projet du film, a connu beaucoup de résistance, y compris d'abord aux États-Unis, parce que comme vous le dites, les États-Unis n'avaient pas envie de s'engager. On sait que le film ne sera vu par exemple en France qu'à la Libération. En Allemagne en 1958. Et en Allemagne encore plus tard. Par contre, on sait aussi que le film a été vu pendant la campagne d'Angleterre, la bataille d'Angleterre donc à Londres, en Grande-Bretagne, et qu'il a eu un grand succès, et que sans doute il a eu cette force, cette puissance, cet encouragement à résister qu'il souhaitait avoir. Merci beaucoup Michel Faucheux. Je signale votre biographie Chaplin, appelée donc tout simplement Chaplin, qui est publiée dans la collection Biographie chez Folio Gallimard. Et bien sûr, j'invite tout le monde à regarder le film Le Dictateur, qui est disponible en DVD aux éditions MK2. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission.